Chapitre 11 Jean-Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ. Il lui envoya alors quelques-uns de ses disciples pour lui demander « Es-tu celui dont nous savons qu'il doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont rendus purs, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas sa foi en moi. » Quand les disciples de Jean partirent, Jésus se mit à parler aux foules au sujet de Jean. « Qu'êtes-vous allé voir au désert ?» leur demanda-t-il. « Un roseau agité par le vent ?»« Non. » « Alors, qu'êtes-vous allé voir ?»« Un homme vêtu d'habits magnifiques ?» Mais ceux qui portent des habits magnifiques se trouvent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et même bien plus qu'un prophète. Car Jean est celui dont l'Écriture déclare « Voici, j'envoie mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. » Je vous le déclare, en vérité, parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait, jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et les violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes et la loi de Moïse ont parlé du royaume, jusqu'à l'époque de Jean. Et si vous voulez me croire, Jean est cet Élie dont la venue a été annoncée. Écoutez bien, si vous avez des oreilles. À qui puis-je comparer les gens d'aujourd'hui? Ils ressemblent à des enfants assis sur les places publiques, dont les uns crient aux autres « Nous vous avons joué un air de danse sur la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil et vous ne vous êtes pas lamenté. » En effet, Jean est venu. Il ne mange pas et ne boit pas de vin. Et l'on dit « Il a en lui un esprit mauvais. Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et l'on dit, voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin, qui est ami des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise réputation. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste par ses œuvres. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles il avait accompli le plus grand nombre de ses miracles, parce que leurs habitants n'avaient pas changé de vie. Il déclara « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient revêtu des sacs et se seraient couverts de cendres pour montrer qu'ils voulaient changer de vie. C'est pourquoi, je vous le déclare, au jour du jugement, le châtiment sera moins dur pour Tyr et Sidon que pour vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'en enfer. Car si les miracles qui ont été accomplis chez toi l'avaient été à Sodome, cette ville existerait encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le déclare, au jour du jugement, le châtiment sera moins dur pour Sodome que pour toi. » En ce temps-là, Jésus déclara, « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, il en est ainsi parce qu'il t'a plu de le vouloir. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos intérieur. Le joug que je vous donnerai est facile à porter, et le fardeau que je mettrai sur vous est léger. »